mal de guitare, répétez la mot, sacre mon défilé, même mon moula. T'en mettez dans la tue, ou la bâtie, mademoiselle, ma babou, à battre en adidi. She lit.